La naissance d'un couple cosmique dans la matière. La nature éthérique de l'énergie de l'intelligence est nécessaire pour supporter la dimension totale et intégrale du couple dans la matière si celui-ci se compose d'une genèse vibratoire. Cela veut dire que la dimension éthérique des deux êtres est très importante s'ils veulent former un couple à dimension cosmique. L'éther qui jumule ses consciences à l'éther des esprits à travers le double, fait partie de la descente de l'intelligence créative dans le couple. Au lieu d'être une intelligence raisonnable, cette intelligence créative permet l'espace nécessaire dans chacun et une définition plus grande de ce qu'ils sont, en lien avec leur propre intelligence impersonnelle. Dans cette singularité impersonnelle, chaque individu, homme et femme, peuvent ainsi, parce qu'ils se complètent davantage, être dans leur propre autonomie face au couple. Cela donne alors la possibilité à chacun de pouvoir se réinventer selon une situation personnelle ou impersonnelle vécue dans le couple. Par conséquent, la vibration de reconnaître ce qu'une autre personne amène dans le couple n'est jamais opposée à de l'orgueil ou à de l'ego. Il s'agit plutôt d'une énergie fluide afin de permettre une communication claire et nette entre les deux individus. En étant constamment dans la vibration de ce que l'autre apporte, télépathiquement, cette énergie est supportée par le double cosmique en chacun, ce qui amène alors la rencontre des individus sur un autre plan, d'un point de vue éthérique de l'intelligence et non d'un point de vue rationnel ou égocentrique. Cela permet donc une réalité plus grande entre les deux individus, car chacun peut saisir télépathiquement où commence et s'arrête la liberté de l'autre dans le couple. Dans la réalité vibratoire du couple cosmique, il revient ceci. Chacun peut exprimer son verbe, car chacun a autorité dans la parole pour exprimer sa propre liberté face à l'autre. Ainsi, dans le partage des informations, l'ego est désengagé, et les échanges d'informations deviennent beaucoup plus fluides et transparents, permettant à chacun de se renouveler dans sa conscience vis-à-vis l'autre, sans être discrédité de quoi que ce soit. Tout et chacun y trouve donc une paix qui lui revient, car dans la télépathie vibratoire de l'information, le verbe ne vient pas de l'ego, mais vient essentiellement de la sensibilité de chacun à exprimer sa liberté clairement, sans bafouer les besoins de l'autre. C'est pour cela qu'à ce moment, le respect est très présent dans la sensibilité de chacun, ce qui amène alors la dimension éthérique du couple cosmique entre ces deux êtres qui voudront cheminer ensemble pour se créer des éthers de paix absolue. Le rôle de la dimension de l'énergie de l'intelligence dans le couple a pour objet d'amener des discussions beaucoup élaborées et beaucoup plus nettes en relation avec les lois de la vie, et non d'imposer à l'un ou à l'autre des réalités qui peuvent être vibratoires, mais qui aussi peuvent être soumises à l'agenda occulte d'imposer dans la vibration de l'intelligence de la domination envers la femme. Car la dimension de la vie doit être intégrée par chacun dans sa propre conscience pour connaître dans sa réalité cosmique ce qu'elle est face elle-même à la vie. L'intelligence ne peut pas s'imposer. Il reviendra toujours à chacun de comprendre sa dimension personnelle avec la vie et d'en comprendre les lois. Lorsque la dimension du développement personnel de chacun devient présent et force dans chacun une compréhension absolue de sa propre vie, il est plus facile pour chacun de se respecter dans ce qu'ils sont. Et cela permet alors la dimension et l'ouverture éthérique des corps d'énergie l'un envers l'autre, pour qu'il n'y ait pas dans la relation intime de l'un avec l'autre une dimension cachée ou voilée. La sensibilité devient très importante, c'est-à-dire que l'homme approche avec douceur sa femme, puisque la femme fera de même de son côté. Si bien qu'avec le temps, la relation se soude d'une manière à ne jamais laisser entrer entre eux de l'astral ou des énergies qui pourraient simplement les opposer l'un à l'autre. Il y a donc l'étude présente afin de permettre une meilleure communication. Ce faisant, l'ouverture de la sensibilité de l'autre envers l'un permet une meilleure qualité vibratoire de la vie et de la paix du couple dans la matière. La réalité de la vie, que la vie commence dans le mental vibratoire et supramental de chacun, est ce qui permet ensuite de ne pas créer de forme sur la vie du couple qui, par conséquent, permet de créer des attentes l'un envers l'autre. Il n'y a donc pas de forme vibratoire prescrite pour vivre un couple cosmique, sinon que la vibration de toujours être à l'écoute de l'autre, car le couple cosmique ne peut pas être possible si l'une des personnes ne comprend pas vibratoirement son lien qui l'unit au monde de l'invisible et à sa propre lumière. La dimension cosmique est donc ce qui permet à chaque personne de comprendre qu'il y a un lien d'unicité qui l'unit avec la lumière, et c'est cela qui empêche donc les égaux à venir en compétition l'un envers l'autre, car chacun comprend très bien que la nature cosmique de leur égo à parfaire une évolution qui ne discrédite pas l'autre, exige de leur part une neutralité parfaite face à la vie. Ce qui est alors au rendez-vous dans la tête de chacun, c'est la nécessité de vivre la paix et d'être éveillé à la réalité vibratoire que l'invisible peut toujours les piéger dans leur propre dimension égoïque ou égocentrique. La qualité vibratoire d'être intelligent face à l'invisible nécessite de l'ego d'être scient de sa communication avec le plan mental. La genèse vibratoire du couple cosmique commence du moment que chacun est en mesure de décider qu'elle veut vivre un couple pour l'intelligence et la paix que le couple lui procurera, car la qualité de l'harmonie vibratoire d'être ensemble ne sera jamais jumelée à la division de s'opposer l'un à l'autre inutilement. Du moment que chacun choisisse de s'unir l'un à l'autre pour vivre un couple, chacun sait aussi se reconnaître dans la dimension personnelle de son intelligence. Éthériquement, chacun veut être dans sa propre conscience le complément vibratoire de l'autre pour faciliter les échanges. L'union vibratoire qui s'installe alors entre les deux êtres permet une plus grande paix à chacun que si seulement ceux-ci étaient seuls dans leur propre vie. Cela amène donc une communication télépathique entre les deux êtres, car intimement, il y a un corps d'énergie et un aura qui se dégage de chacun pour permettre à chacun d'être dans la sensibilité qu'il se doit face à l'autre. C'est ainsi que la dimension d'être libre dans le couple permet une nouvelle compréhension de ce que l'on est, car cela nous amène souvent à être dans une sensibilité autre pour saisir la nuance et l'intelligence qui traverse l'homme ou la femme qui se place devant soi. La réalité vibratoire de se préoccuper de ce qu'on amène dans le couple n'est plus importante, car chacun est nourri par la présence de l'autre d'être bien dans ce couple. Cela permet alors une meilleure protection de l'individu face à sa propre astralité, car l'union qu'elle a avec l'autre est beaucoup plus grande, ainsi que la nature cosmique, que la nature astrale d'une pensée pouvant la pénétrer. Lorsque les moments plus difficiles arrivent dans un couple, parce que le couple cosmique ne sera jamais à l'abri des événements, cela veut dire qu'il y aura une meilleure compréhension des deux des événements qui se produisent. Car il ne faut pas oublier que l'évolution est réelle pour chacun et que ce n'est pas dans l'incompréhension de ce que l'on vit personnellement que le couple peut se construire une identité réelle permettant une plus grande paix. À deux, la conscience vibratoire de l'esprit en chacun permet de bloquer l'astral plus facilement, car il y en a toujours un qui voit clair. Si ce n'est pas la femme, ce sera l'homme. Et c'est alors que ce rayonnement de savoir ce qui se passe permet une plus grande voyance sur les décisions qui seront à prendre dans le futur, et ces décisions n'iront pas à l'encontre de l'un ou de l'autre. D'une voyance plus fine et grande, il est plus facile dans la capacité de l'un ou de l'autre de dévoiler les formes astrales qui tentent de pénétrer le couple ici et là. La femme a toujours été un être de grande générosité dans la matière, et cette générosité n'a pas toujours été respectée par l'homme. Incidemment, la femme a une très grande présence à la vie du couple, car elle est bâtie dans une construction à recevoir l'autre constamment dans ce qu'il est, dans sa sensibilité. C'est à ce moment que la femme, dans sa nature éthérique du couple, est capable de composer vibratoirement avec la réalité que l'homme qu'elle a choisi, c'est le bon pour elle, parce qu'elle sait qu'il est capable d'intelligence pour la respecter intégralement dans ce qu'elle est, elle. Toutefois, lorsque la femme doute de son lien avec un homme, sa générosité est amoindrie, car elle n'est pas en mesure à ce moment de se libérer du joug de l'amour astral ou involutif qu'elle peut avoir envers un homme. Dans sa dimension éthérique de l'amour, la femme a toujours été portée à aller vers l'autre. Elle ne se retient pas et elle ne doit pas se retenir lorsqu'elle a le goût d'aller vers l'autre. Mais si l'homme ne sait pas la recevoir, il brimera cette sensibilité en elle d'aller vers l'autre et sa générosité en deviendra avec le temps amoindrie. Lorsque la générosité de la femme est amoindrie, il est assuré que son regard vers l'homme n'est pas le même. Et le rôle de la femme dans la descente de son énergie dans la matière sera toujours celui de porter un regard neutre sur l'homme pour amener celui-ci un jour à être plus grand dans ce qu'il est, de ce qu'il voit de lui-même. Car dans l'énergie de l'amour, il y a cette énergie d'identité que l'homme doit arracher plus difficilement. Mais dans le regard de la femme, cela lui est plus facile parce que cette femme qui peut égayer sa vie lui permet de se reposer et de mieux saisir toutes les nuances de son intelligence. Le pôle principal du couple dans la femme pour l'homme, c'est la capacité qu'elle a, cette femme, d'égayer dans la vie de l'homme son repos. Cela soulève alors chez l'homme la nécessité vibratoire de traiter avec la femme d'une douceur toujours appointée qui ne la brimera jamais. Dans le couple cosmique, le respect est toujours une dimension éthérique de l'expression de la sensibilité de chacun à ne pas brimer l'éther du couple. Alors que dans un couple karmique, l'âme vibre énormément et il est alors beaucoup plus difficile de respecter l'autre, car les pensées astrales qui pénètrent chacun les mettront en opposition ou en compétition l'un envers l'autre. Et c'est ainsi que l'homme fait des faux pas, car l'énergie de son intelligence devient astralisée et ne permet pas à la femme d'être ce qu'elle est. C'est à l'homme de dompter les énergies de son intelligence et de saisir à quel point l'invasion astrale d'une pensée peut ternir la dimension éthérique et sensible du couple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans sa dimension cosmique et éthérique, l'homme a été celui qui devait dans la matière descendre la notion de l'intelligence et les principes des lois de la vie pour que cette intelligence-là devienne un diamant pur. Mais il y a aussi dans cette incorporation de l'intelligence de l'homme ou dans cette incarnation de l'intelligence de l'homme dans la matière, la forme de la domination qui vient nécessairement des plans de la mémoire et de toute la condition humaine en lien avec son incompréhension des lois de la vie de l'âme. Cette densité mémorielle de l'énergie était nécessaire afin que l'homme s'enracine totalement dans la matière et qu'il puisse par la suite composer avec les états de la matière pour y construire des bâtiments et aussi alléger la vie de la femme dans la matière. Incidemment, l'homme a une plus grande force physique et vibratoire pour construire des maisons et il doit aussi être capable, par contre, de permettre à la femme d'habiter cette maison sans qu'elle ne soit brimée par lui. Et cela est l'enjeu difficile de l'homme dans le couple. Tant qu'il n'a pas dompté son intelligence, il restera un être sujet à la domination. La femme peut percevoir cette réalité et c'est souvent dans la souffrance absolue que l'homme aura à reconnaître, s'il ne la connaît pas, cette domination, la réalité vibratoire qu'il ne peut pas être bien dans un couple car il ne sait pas et où il n'est pas capable de préserver l'harmonie du couple dans tous les instants, même quand ce couple est confronté à de grandes réalités de vie pouvant les opposer. En sachant être libre, l'homme en arrive donc à nuancer son intelligence et à pouvoir exprimer celle-ci sans brimer celle de la femme. La dimension vibratoire de l'énergie de l'intelligence dans l'homme est une énergie froide qui laisse place à l'harmonie tout le temps. Si cette énergie ne laisse pas place à l'harmonie, il s'agit donc d'une intelligence qui est imposée et non une intelligence qui est totalement unifiée à la présence de l'homme, à ce qui entre dans sa tête. Du moment que l'homme perd notion de la réalité d'être présent à sa femme dans les petites attentions et dans la réalité de tous les jours, il est alors contraint dans sa propre conscience à vivre de l'astralité sans pouvoir peut-être dénouer le mensonge qui se joue. Cette énergie sabre la vie du couple car elle impose un éther de vie qui n'est pas agréable. L'homme est donc toujours responsable des énergies du couple car c'est lui en gros qui en crée toujours la désharmonie en étant patient de l'intelligence qui le pénètre. La femme a toujours aimé aller vers l'homme en autant que celui-ci puisse reconnaître dans sa sensibilité à quel point il ne doit pas brimer sa femme quand il traite avec elle. En tout et partout, c'est la femme qui choisit l'homme qu'elle veut vivre avec, mais que l'homme doit aussi savoir que cette femme qu'il a choisie, il ne peut pas la brimer, car cela devient nécessairement un produit karmique pouvant générer par la suite de la névrose chez sa femme. Lorsque la dimension du respect est très grande dans chacun, l'interception éthérique de la beauté face à la vie est lui aussi plus grande. C'est ce qui permet aux êtres d'être bien et en paix l'un avec l'autre. Chacun peut alors prendre de l'expansion, si bien que lorsque la femme s'intéresse à l'homme, elle ne le fait jamais intellectuellement, mais le fait en lien avec l'amour qu'elle a pour l'homme, afin que celui-ci la respecte totalement dans ce qu'elle est. Une femme doit pouvoir se grandir dans son amour, et si cet amour ne l'amène pas à se respecter elle-même, cela veut dire que son amour est karmique. Alors que l'expansion de l'intelligence vibratoire dans l'énergie de l'homme est au niveau de sa capacité de mieux comprendre la vie sans imposer celle-ci. Sa place dans le couple est donc un pôle d'intelligence très grand qui ne permet pas à sa conscience de bafouer l'énergie de l'amour que la femme peut amener dans le couple. Si bien que la femme, lorsqu'elle est dans un acte de générosité envers l'homme, elle est dans sa dimension intelligente en tant que telle. Car pour la femme, être intelligent, c'est être généreux d'une manière intelligente. Lorsque l'homme ne brime pas les énergies ou les éthers de la générosité de sa femme, le savoir de son intelligence est intégral, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune domination dans celui-ci parce qu'il répond à la beauté du couple et permet aussi de rendre celui plus grand dans sa dimension éthérique. Et cette dimension dans la conscience de l'homme est très importante car il aura à parfaire les énergies de son intelligence pour confronter le mensonge cosmique et abattre sur la conscience des hommes la domination que lui-même doit subir étant donné de l'inconscience des forces planétaires qui habitent présentement la Terre au niveau du corps égoïque de l'homme et de la femme. Certes, la femme peut éduquer l'homme de sa domination, mais l'homme doit en comprendre aussi toutes les subtilités afin de communiquer cette réalité aux hommes qui l'entourent pour mieux comprendre que ce ne sera jamais la femme qui brimera la notion cosmique du couple, mais bien la capacité de l'homme à ne pas reconnaître ce que veut dire une femme dans la matière et dans sa dimension cosmique, quelle est cette générosité qui représente sur les plans invisibles la dimension éthérique d'une descente absolue de beauté dans la matière qui doit un jour prendre forme à travers les îles paradisiaques. La nature cosmique de l'intelligence n'est pas une énergie qui domine. Elle est une ouverture sur l'autre et elle permet toujours qu'une personne puisse s'appointer dans sa propre parole afin de comprendre la réalité de sa propre vie. Dans un couple, cela est nécessaire afin que chacun puisse communiquer ce qu'ils sont et, sans être brimé dans ce qu'ils sont, les êtres avancent ainsi dans une évolution plus grande au niveau de l'harmonie, ce qui permet alors l'ajustement du verbe dans chacun. La femme n'a pas à chercher à séduire l'homme, car elle ne recule jamais devant la sensibilité de l'homme qui la respecte, et c'est ce qui permet une harmonisation parfaite de ses corps. Son corps de désir se neutralise, et tout comme celui de l'homme, dans la nature d'aimer l'homme, La femme peut composer avec la grandeur et l'intimité de l'homme en lien avec la compréhension qu'il a de sa propre personne. Et l'homme grandit énormément dans ce processus d'intimité car cela l'oblige à être très attentif à tout ce qu'il vit au niveau des énergies de son corps sexuel. Ce faisant, s'il n'est pas en harmonie vibratoire avec la femme au niveau de sa sexualité, cela veut nécessairement dire qu'il y a des entrées encore qu'il ne connaît pas. Dans les énergies de son amour, la femme est capable vibratoirement d'englober l'homme systématiquement et de lui procurer une paix mentale très grande. Dans le couple cosmique, l'énergie de la séduction n'existe pas. Ce qui est, c'est le goût de l'autre et de partager des moments d'intimité qui permettent à chacun d'être plus grand dans leur propre vie personnelle. La douceur communiquée est alors une allégresse de la vie qui permet à chacun d'avoir une plus grande paix face à la vie. Ainsi, chacun est bien avec l'autre et tous deux se reposent à vivre ensemble une beauté réelle qui les harmonise avec les dimensions plus difficiles de la vie. Par exemple, la notion de l'argent ou le principe de l'argent peut posséder une valeur très astrale dans un couple et permettre un déséquilibre si l'homme n'est pas capable de gérer cette dimension. Et si la femme doit subir cette réalité, cela lui occasionnera énormément de souffrance car l'homme ne sera pas capable de supporter sur ses épaules les éthers de la vie. La femme supporte de grands éthers de vie dans sa conscience, soit ceux de l'harmonie constamment. Pour l'homme, l'harmonie est celle d'assurer à la femme que celui-ci n'a pas d'inquiétude face à l'avenir et qu'il est capable de composer avec le vide en tout temps. Car l'homme, finalement, doit être capable d'amener sous sa gestion la vibration totale des pôles astrales de la Terre afin que sa femme puisse bénéficier d'un aura de protection permanent. Et ainsi, son harmonie à elle s'agrandit et c'est cela qui privilégie la descente de la beauté dans la matière. Chacun se complémente et doit être au parfum de ce qu'ils sont, soit des êtres de lumière. Cette lumière s'exprime évidemment de diverses manières et à chacun de savoir où repose l'intelligence de cette lumière en elle ou en lui. Il est très important que l'homme en arrive à intégrer totalement les énergies de son intelligence dans la matière afin de composer avec les pôles astraux de cette conscience qui l'a amené à vaincre dans la contête les énergies de sa propre domination. La femme est déjà intégrée sur les plans universels de sa conscience car elle n'a pas eu à s'intégrer totalement à la matière d'une densité qui la rendrait totalement esclave de la réalité de la matière. La femme est donc beaucoup plus libre que l'homme sur les plans parce qu'elle n'a jamais eu dans la matière cette densité que l'homme connaît et qu'un jour le fait souffrir parce qu'il ne peut pas en comprendre toute la grandeur et la signification. La matière est un obstacle à l'intelligence universelle parce qu'elle densifie trop les corps vibratoires de l'homme et c'est ainsi que l'homme doit élever son mental à la réalité absolue que tout ce qui est dans la matière est une force de manipulation contre lui. Ainsi, l'argent peut devenir une force de manipulation et cela amène l'homme à trop travailler et à oublier essentiellement que la vie dans la matière doit être composée d'harmonie pour que celui-ci en arrive un jour à être bien dans sa peau totalement. La capacité de la femme à intégrer la matière est déjà reconnue du fait qu'elle est, dans la beauté de son union parfaite avec les forces de l'harmonie, un seul réceptacle. Elle est en unicité vibratoire avec la beauté, car son principe d'harmonie n'a jamais été densifié au niveau de la matière, permettant alors à la femme d'être plus près des forces de lumière que l'homme peut l'être dans son intelligence. Ce qui est difficile pour la vie de la femme, c'est la matière où elle rencontre énormément d'opposition pour se matérialiser une vie conforme à sa grandeur de vie. Il n'y a qu'à regarder le domaine du travail, où l'homme a beaucoup plus de facilité à composer avec celui-ci. Ainsi donc, il est plus difficile pour la femme de se faire respecter dans la matière, car la dimension réservée à l'homme dans le travail ne lui laisse à elle que très peu de place. Mais cela est sur le point de changer, car l'éducation de la femme l'amène à reconnaître que sa place doit être totale dans la matière et dans le travail afin que cette société change et évolue d'une manière beaucoup plus harmonieuse. Les discours dans le futur qui doivent se tenir doivent venir d'une participation intégrale de la femme à ces discours. La femme ne peut pas être ostracisée, car l'enjeu de la domination de la planète Terre par l'homme au niveau des éthers d'une intelligence non pas créative, mais civilisée ou intellectualisée, est ce qui permet aux avancées de la noirceur de créer davantage de dichotomies entre les hommes et les femmes, les peuples et les races. Cela amènera éventuellement à la femme à être beaucoup plus avertie de la domination et d'en comprendre les interfaces. Car si elle ne peut pas égayer la vie d'un homme et qu'elle sent qu'elle ne peut plus aller vers l'homme sans que celui-ci la brime, il est assuré qu'elle comprendra totalement que celui-ci ne l'aime pas, car il n'est pas capable de comprendre ce qu'elle est en tant qu'être dans sa sensibilité et son être-té. Une femme qui n'est pas libre d'égayer la vie d'un homme, c'est parce qu'elle a été bafouée un jour ou l'autre dans ses éthers. Et nécessairement, l'homme n'a pas su répondre aux petites attentions qu'il devait avoir envers sa femme pour préserver l'harmonie du couple et rendre ce couple beaucoup plus grand. Puisque se réalisant, la femme se renouvelle sans cesse dans sa beauté, ce qui amène l'homme à ne pas être seul dans sa conscience pour vivre la solitude qu'il a en lien avec l'intelligence de savoir la vie, mais de ne pas en subir la contrainte vibratoire, qu'il est aussi un être en évolution de conscience et qu'il sera marqué par la réalité que seule une conscience libre peut un jour être libre du mensonge cosmique et pourvoir dans la nécessité de ne pas dominer la femme la réelle beauté de la descente ultime d'un couple cosmique dans la matière qui peut générer de la beauté à son tour. La genèse cosmique de la descente d'un couple cosmique dans la matière est un rendez-vous que l'homme et la femme ne veulent pas manquer, car cela est une harmonisation parfaite des énergies de l'homme envers la femme et des énergies de la femme envers l'homme. Cela amène donc une plus grande définition dans chacun de leur propre beauté, et cela est ce qui universalise leur relation avec l'invisible, soit qu'on ne peut pas brimer l'homme dans sa conscience et on ne peut pas brimer la femme dans sa conscience lorsque ceux-ci sont en harmonie parfaite face à la vie. C'est ainsi que les lois de la vie sont transmises et que la voyance et l'unicité vibratoire de l'intégration de l'esprit en chacun devient beaucoup plus grand. C'est ainsi que chacun se rapproche de son immortalité parce qu'il n'y a plus d'obstacle à la descente de l'intelligence dans chacun ou des énergies de l'amour pour se respecter l'un et l'autre. Par extension, le regard de chacun envers l'autre doit être neutre. L'homme doit permettre à la femme de ne pas douter de sa beauté et que celle-ci doit pouvoir aussi ne pas craindre la vie, car souvent la femme peut douter d'elle-même et cela concrétise dans son mental une forme d'astralité qu'elle aura un jour à dompter. Autant la femme que l'homme doit se connaître dans son intelligence et savoir comment celle-ci fonctionne. Les énergies de son amour ne peuvent pas être manipulables. Elle doit pouvoir saisir ce qu'elle aime et pourquoi elle est capable, dans sa générosité, d'englober un homme qui la respecte. Elle doit savoir qu'est-ce que cet homme lui apporte vibratoirement et pourquoi elle est bien avec cet homme. Si elle ne sait pas cela, elle doutera toujours de cette compagnie qu'elle peut avoir avec l'homme qu'elle a choisi, mais qu'elle doute du respect que celui-ci peut avoir dans le temps et l'espace. Que la femme traite avec un alignement parfait de les énergies de son amour dans la matière, elle ne peut pas être assujettie à du doute ou de la crainte. Elle doit être capable de composer avec l'énergie de la beauté d'une manière totalement libre. Incidemment, si elle n'est pas en mesure de saisir la beauté de l'homme qui se place devant elle, c'est parce qu'elle n'a pas encore suffisamment développé en elle de centricité pour être en mesure de répondre à ce qu'elle a besoin au niveau de sa paix pour être elle aussi libre dans la matière de la vie de l'âme. L'âme vibre autant chez la femme que chez l'homme dans la crainte, et c'est cela qui empêche la dimension cosmique du couple à se renouveler sans cesse. Pour qu'une âme puisse se retirer de la vie du couple, il faut que l'homme et la femme puissent avoir la certitude qu'ils sont bien ensemble et qu'ils ont la capacité de générer pour chacun du respect et de la paix. Est-ce que l'homme doit être en mesure de dompter la domination qu'il a dans son corps mental avant de pouvoir être en couple? La réponse est oui. Car l'incarnation de l'homme dans la matière est liée proportionnellement à sa capacité à dompter l'invisible. En ce sens, l'homme ne doit pas se faire bafouer et il doit être averti que toute interférence astrale dans sa conscience est une invasion psychique de son être pour l'amener à ne pas être en couple un jour. Et c'est pour cela que l'homme doit traiter avec l'orgueil d'une manière totalement sciente, c'est-à-dire que l'homme doit connaître les embranchements de sa conscience à se faire manipuler par les forces de la lumière au niveau du savoir. Et tant que l'homme n'a pas résolu ce mystère en lui, il ne peut pas être bien dans un couple, car il n'est pas lui-même en paix avec sa propre intelligence. Être en paix avec sa propre intelligence veut dire qu'il sait qu'il aura toujours accès aux réponses et qu'il n'a jamais à s'en faire pour la vie, car il est un gestionnaire intégral de cette vie. L'enjeu de la femme ne se situe donc pas à ce niveau, car dans son corps d'énergie, elle n'a pas la densité que l'homme possède pour intégrer la matière et s'enorgueillir d'elle-même. Elle a plutôt la capacité d'être sur les plans une vibration unique pouvant faire descendre les énergies d'un amour plus facilement vers la terre. Il avait été décidé que la femme serait ce pôle par lequel les forces de la lumière feraient descendre de la beauté vers la terre. En ce sens, lorsque l'homme intègre la matière et la dompte totalement, il fera d'elle cette matière un havre de paix et de beauté. Et c'est cela qui permet alors à la femme d'être bien dans cette matière qui, elle, un jour s'intégrera davantage à celle-ci pour que les remparts et que les lieux de la terre s'harmonisent totalement. À la réalité que le devenir de la terre doit être un lieu de paix. L'évolution finale de chacun est fort différente. La femme n'a pas à intégrer parfaitement toute l'intelligence que l'homme doit intégrer en lien avec les plans invisibles pour en arracher les lois. Sa genèse la ramène toujours à la notion d'être bien dans sa peau pour générer dans la matière de l'harmonie, alors que l'homme, il doit arracher ses forces de vie pour que l'intelligence des lois de la vie soit partagée avec la femme. Donc, les deux se complémentent et c'est cela qui permet une harmonisation de la terre aux énergies de l'homme et de la femme un jour. Il ne faut pas non plus penser que la femme n'est pas capable d'intelligence. La femme est autant capable d'intelligence que l'homme et l'homme est autant capable d'énergie d'amour et d'harmonisation que la femme. C'est simplement que le rôle de chacun dans l'incarnation pour descendre leur identité et raffiner cette identité d'une manière si grande que le combat qu'elles auront avec les forces de vie ne les amène pas ni un ni l'autre à s'opposer, mais bien à travailler ensemble pour générer sur la terre un havre de paix. C'est nécessairement parce que l'enracinement de l'homme à la matière et à la compréhension des lois qui lui permet alors de se rebeller contre l'invisible et les forces de la lumière pour en descendre une dimension beaucoup plus éthérique, soit que l'homme ne peut pas non plus être à la merci des plans et il doit, dans sa conscience, pouvoir comprendre tous les enjeux de ce que représente l'union parfaite d'un couple cosmique. Pour la femme, si son amour est respecté et que sa générosité est respectée par l'homme, elle saura qu'elle est dans un couple cosmique. Elle ne se posera pas de questions, car elle sait automatiquement que si elle est respectée intégralement par l'homme dans un couple, cela veut dire que ce couple est déjà cosmique. Incidemment, du moment que la femme est bien avec un homme, elle sait déjà que vibratoirement, elle n'a pas à chercher de réponse à sa vie parce que celui-ci ou ce dernier, dans son combat de la conquête des lois, lui partagera ce qu'il sait. La vie n'a pas à être réfléchie par l'homme, elle doit être connue et sue vibratoirement, et c'est cela qui permet à la femme de se reposer intégralement, car elle se sentira toujours respectée dans l'intelligence de l'homme, et c'est pour cela qu'un jour, il n'y aura plus de karma dans ce couple. L'épuration d'un couple karmique mène toujours à la reconnaissance de chacun de la nature non intelligente en lien avec la beauté, l'amour ou l'intelligence. Du fait que chaque couple ne peut pas être libre l'un envers l'autre est déjà une forme d'astralité que chacun aura à dompter en lui-même dans sa vie personnelle. Pour être un couple cosmique, la dimension karmique n'est pas valable. Elle doit être épurée, cette dimension, avant que chaque être puisse reconnaître qui ils sont dans leur essence et ce que représente la nature même d'un couple cosmique. Un couple cosmique, c'est la descente dans la matière d'une identité absolue de l'homme et de la femme avec leur propre lumière, c'est-à-dire qu'ils ont résonance avec leur double et qu'ils ont la capacité d'intercepter un discours télépathique avec ce double pour connaître ce qui se passe dans leur vie instantanément. Il n'y a pas de décalage, car dans le couple cosmique, chacun peut converser et amener en vibration le double de l'autre de se manifester d'une façon totalement intelligente et qui doit respecter la nature même du couple cosmique, qui, elle, est beaucoup plus grande que la vibration du double parce qu'elle est déjà, sur les plans invisibles, un prolongement des forces de la lumière pour créer dans la matière les îles paradisiaques. Le couple cosmique permettra cela parce qu'il est une harmonisation parfaite entre l'homme et la femme, des énergies de la sensibilité, du respect et de la paix. L'union parfaite entre l'homme et la femme repose essentiellement sur la capacité de chacun de se reconnaître vibratoirement. Une femme se lassera toujours des biens matériels si elle n'est pas respectée par un homme, car pour elle, la plus haute vibration dans un couple, ce n'est pas ce qu'elle appartient, mais bien ce qu'elle est en mesure de vibrer dans sa sensibilité et dans son amour pour être, sur les plans éthériques de sa conscience, totalement libre de la vie. Pour l'homme, naturellement, s'il est capable de neutraliser toutes les énergies de la matière en lien avec le travail, il est lui aussi libre, car il est créatif dans sa paix et créatif de l'intelligence qui le traverse pour amener sa vie et la vie du couple à être totalement harmonieuse au niveau de la matière. L'homme est donc très ancré à la matière, alors que la femme, elle, s'ancrera dans la matière du moment que l'homme est capable de lui présenter la nature même de son intelligence, c'est-à-dire que l'homme doit respecter la femme et lorsque la femme sait que l'homme peut la respecter, elle est automatiquement dans la certitude qu'elle possède avec cet homme un avenir qui lui permettra d'être bien dans sa peau, qui lui permettra aussi de se grandir en tant qu'être et, naturellement, de prendre de l'expansion au niveau des énergies, de son amour, de sa volonté et de son intelligence. La femme a toujours été un être de communication. Et c'est cela qui lui permet d'égayer la vie de l'homme dans la matière si celui-ci est en mesure aussi de communiquer. Mais le problème ou la problématique de l'homme est bien naturellement cette nature à ne pas communiquer ce qu'il est. Et cela fait souffrir la femme parce qu'elle ne trouve jamais dans le regard de l'homme ce qu'elle a besoin. C'est à l'homme d'être responsable du couple et de toujours être présent à sa femme parce que cela permet à la femme d'être davantage libre des énergies de la matière et de se générer dans son amour pour être parfaitement libre, elle aussi, un jour, de tout ce qui englobe la Terre au niveau de l'astralité, de la descente de l'énergie de l'âme dans la matière. La femme, donc, est un être de communication et elle s'intéresse principalement à comprendre sa vie, non pas à se la faire expliquer d'une manière égoïque, mais à la comprendre d'une façon où elle pourra ensuite se générer, créer davantage de beauté. Alors que l'homme, bien souvent, veut comprendre la vie pour tout simplement s'enorgueillir ou démontrer qu'il connaît la vie. Et tant qu'il n'a pas dompté cette réalité en lui, il demeure un être présent à l'orgueil. Et cet orgueil provient nécessairement des forces de la noirceur à créer dans son mental une forme de savoir qui se réfléchit. Et le savoir ne peut pas se réfléchir. Le savoir est une vibration. Et c'est pour cela que, lorsque l'homme se réfléchit, il oublie d'être dans le regard de sa femme la beauté de ce qu'elle veut qu'il soit. Soit un être libre qui a des réponses, mais qui n'impose pas ses réponses. Il est donc un être de communication, comme la femme a toujours rêvé d'être elle-même, dans le regard de l'homme, la beauté de la communication parfaite de son union avec sa propre lumière. Dans sa dimension éthérique avec la vie et la communication, la femme a énormément d'intuition. Et lorsqu'on ne permet pas à cette intuition de la femme de se générer et de se renouveler, il lui arrive donc à cette femme de s'éloigner de son pôle intelligent et de sa lumière. Incidemment, elle est beaucoup plus susceptible aux doutes et à la névrose parce qu'elle n'est pas capable d'être dans le corridor parfait de son intelligence, l'intuition vibratoire de connaître la vie au niveau simplement de ce qu'elle a à faire dans un geste simple, soit de s'approcher de l'autre et de communiquer. Une femme qui ne peut pas communiquer est une femme qui un jour est forcée à la solitude et cela la fera souffrir car elle n'est pas un être de solitude. Elle est un être d'harmonie, c'est-à-dire qu'elle va toujours vers l'autre si on ne l'abîme pas dans sa sensibilité. Également, la responsabilité de la femme à quitter un couple lorsque celle-ci se sent brimée lui revient totalement, car elle ne pourra jamais par la suite rencontrer un homme qui saura la respecter. Plus elle tirera cette réalité, moins elle pourra se renouveler dans sa sensibilité et son intuition. Elle doutera davantage d'elle et c'est cela qui finalement aura raison d'elle, soit qu'elle ne pourra plus se régénérer et être dans le regard éventuel de l'homme, cette beauté qu'elle a toujours su être. Soit que la femme ne se réfléchit pas autant que l'homme lorsqu'elle est dans son identité, parce qu'elle n'est pas soumise au pôle de l'orgueil autant que l'homme dans son intelligence. De l'amour, c'est une énergie froide et c'est une énergie qui descend à travers le corridor éthérique de la conscience supramentale de la femme par la dimension de l'harmonisation parfaite de toutes ses cellules en lien avec la vie de la matière pour lui donner à cette femme la certitude qu'elle n'a pas à aimer un homme qui ne peut pas l'aimer. Et lorsque la femme est dans la mesure ou dans la capacité d'aimer un homme, c'est parce qu'elle sait très bien qu'elle aura en retour l'équivalent en intelligence, en sensibilité, en douceur et en paix. Et c'est pour cela qu'un couple cosmique se complète parfaitement, soit que l'homme a pour sa femme la capacité de l'aimer au niveau de ce qu'elle représente dans la sensibilité d'être avec lui un être harmonieux, et que pour la femme, lorsque celui-ci, son homme, peut la respecter, c'est cela qui lui permet de se reposer intégralement et d'apprécier la vie du couple. En ce sens, le couple grandit toujours et n'appartient plus à la dimension de la Terre parce qu'il est éthériquement télépathique, ce couple, c'est-à-dire que chacun saisit vibratoirement la nature intégrale de l'autre et qu'il n'y a jamais d'opposition dans ce couple. C'est pour cela qu'un couple cosmique est un grand couple sur la Terre et qu'il permettra un jour et donnera à la Terre ses lettres de noblesse, car toute âme qui s'incarne doit comprendre dans l'incarnation de sa vie matérielle qu'elle sera jumelée à de la mémoire. Le couple cosmique où les êtres en évolution de conscience pourront éduquer les morts et les âmes qui voudront venir à la Terre n'auront pas le choix d'être informés que les énergies de l'amour spirituel, c'est-à-dire cet amour qui a permis à la Terre de créer dans la matière la procréation, auront à être inversées. Étant donné que les forces de la lumière ont utilisé la capacité de l'homme à réfléchir l'amour, cela a permis à la procréation et à la continuité et à faire cesser un peu la barbarie sur la terre parce que l'homme avait la nécessité de respecter l'autre sans nécessairement comprendre que la capacité de respecter l'autre provient de la descente des énergies de l'intelligence et de l'amour et de la volonté dans l'être. Ce n'est pas simplement l'ego qui doit intervenir à ce niveau, mais tout l'être dans sa dimension de comprendre qui il est sensiblement, soit que la femme et l'homme, pour créer sur la Terre une dimension cosmique, n'ont d'autre que choix que de se comprendre et d'être parfaitement alignés à l'éther de leur propre intelligence respective. Ce faisant, l'homme possède aussi cette intuition que la femme possède, parce qu'il est télépathiquement lui aussi un être solaire. Dans cette dimension, la femme possède également la capacité d'être intelligente et intervenir avec intelligence sur ce qu'elle n'aime pas pour faire triompher sa beauté. Finalement, le couple cosmique est ceci. Il permettra une meilleure compréhension de la vie, car tout ce qui viendra de l'homme et tout ce qui viendra de la femme sera étudié davantage dans une fluidité constante pour que les discours qui naîtront sur la terre ne briment jamais la sensibilité de l'un ou de l'autre. Ces êtres, la femme et l'homme, proviennent ou ont été créés de manière à générer sur la terre une définition parfaite de la vie des plantes. Le théâtre de l'amour involutif, le théâtre de l'intelligence involutive, n'aura que permis transitoirement à l'âme de se développer afin qu'un jour, chaque être puisse reconnaître que si ils ne sont pas capables de vivre dans un couple une vie harmonieuse, c'est parce que celui-ci n'est pas assez présent en lumière pour leur permettre d'élever leur conscience à la compréhension parfaite des lois de la vie et à la compréhension parfaite de ce que représente un homme et de ce que représente une femme dans sa dimension cosmique, éthérique et universelle. La naissance d'un couple cosmique dans la matière.